Mathieu Villeneuve, qui est un auteur, un jeune auteur quand même, né en 90, pour moi c'est jeune, donc un auteur québécois. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc, tu as sorti ton premier roman cette année. Je crois que tu écrivais déjà avant, par contre. Ça se peut-tu? Tu as déjà écrit avant? Deux ou trois publications ouais, des revues étudiantes. Mais ce roman-là, j'ai travaillé pendant 5 ans. Là. J'ai commencé en 2012 environ. Wow, quand même! Donc, c'est Borealium Tremens. C'est pas facile à dire, quand même. Ouais, effectivement, ouais. Comment c'est venu l'idée de ce titre-là? Ben, c'est un peu drôle parce que la première version du manuscrit, une version que j'ai jetée le plus loin possible dans les oubliettes informatiques, ça s'appelait « Comment mon frère est devenu un camionneur mexicain ». Mais je ne réussissais pas à comprendre comment le personnage de frère finissait par devenir un camionneur mexicain. Ça n'avait pas de sens. Donc, je suis reparti avec une nouvelle idée. Je suis allé m'établir à Sainte-Monique-de-Honfleur, d'où vient ma famille maternelle, sur les terres familiales. Et j'ai commencé à ressentir l'isolement, la folie du Nord. Le Tremens, finalement, donc ce délire d'alcool et d'horizon boréal. Et c'est ça qui m'a inspiré, donc d'abord par des notes. Je travaillais au Parc national de la Pointe-Taillon, au lac Saint-Jean, à cette époque-là. Donc c'était des recherches, c'était des conquêtes personnelles et des lectures aussi qui m'ont beaucoup favorisé là, dans ma recherche. Louis Hamelin, par exemple, m'a beaucoup inspiré. Stephen King aussi, là, que je suis retourné à cette époque-là. Donc, un mélange de gothique et de régionalisme, finalement. Là. J'ai relu beaucoup les vieux romans de la Terre, parallèlement à ça. Maria Chapdelaine, par exemple. Le Survenant. Pas l'avare, mais plutôt l'histoire de Serafin Poudrier. Un homme et son péché. Donc, c'est un mélange de tout ça, de gothique, de régionalisme, de vieux romans de la Terre, qui a donné Borealium Tremens, finalement. Parce qu'en fond, c'est un roman qui se passe, dans le fond, au Saguenay, lac Saint-Jean, au lac Saint-Jean, je crois. Principalement au lac Saint-Jean, oui, mais ça. Aussi au Saguenay. Là, c'est ça, j'essaie de faire tomber les préjugés qui séparent les deux régions, si on veut, parce que c'est plus qu'un trait d'union qui unit ces deux régions-là. C'est, en fait, selon un de mes amis qui est géographe retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi, c'est un horst, en fait, H-O-R-S-T. C'est une masse de roches, finalement, d'origine... précambrienne, je crois. Donc, c'est comme un cran de roche, finalement, qui sépare les deux régions au sens géomorphologique. Puis, au sens culturel, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est des guerres de clochers, des différentes recettes de tourtière ou de tarte au bleuet. C'est un classique, quoi. Fait qu'au début du roman, quand ça commence, on est dans le déluge Saguenay, dans le fond, qui a quand même eu une importance sur le personnage principal, quand même assez majeure. Dans le fond, c'est pas un gros punch, mais ses parents meurent dans le déluge. Effectivement. C'est ça qu'on apprend dès les premières pages. Donc, c'est sûr que l'absence des parents, ça teinte quand même sa vie, forcément. Après ça, c'est le retour de ce personnage principal, David, qui revient... dans le fond, je pense, 5 ans environ, où est-ce qu'il est sur la route, il revient parce qu'il hérite d'une maison. Exactement. Une maison qui semble particulière, je n'irais pas jusqu'à dire hantée, mais qui a l'air quand même d'avoir quelque chose qui s'est passé là. Quand même, puis il va vouloir rénover cette maison-là. Il y a des gens qui lui diront que c'est pas une bonne idée. C'est pas mal. Comme ça, je résumerais. Je sais pas s'il y aurait autre chose que toi, t'aimerais ajouter par rapport à ça. Parce que j'ai tout le temps peur de donner des punchs quand que je parle des livres. Parce que moi, la première, ça me dérange vraiment beaucoup quand j'entends les punchs. Parce que je me dis après ça, ben j'ai plus vraiment de raison de lire. C'est même si l'écriture est super belle ou peu importe, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui est coupé dans mon fun mm-hmm. de lectrice. Et que toi, y a-tu quelque chose d'autre que t'aimerais rajouter à ça sans tout dévoiler? C'est un résumé assez exact que tu fais là. C'est bien vrai tout ça. Pour l'histoire du déluge, bon, c'est pas un punch qui est cassé, c'est pas un spoiler parce que ça se passe dès le prologue. Puis au fond, c'était pour moi qui écrivais au tout début en 2012 une sorte d'autofiction déguisée. C'est une façon de dire bon, j'ai pas envie d'avoir des personnages de parents, j'ai pas envie de tomber là-dedans dans le règlement de compte. Donc je l'ai tué. Mon personnage est orphelin, mon alter ego, hein, David, qui s'appelait Mathieu dans une version très ancienne du roman. Et donc c'est un peu anecdotique finalement comme raison. Mais par la suite, c'est ça, j'ai dit, bon, mais OK, un orphelin qui est sans racines, finalement, qui sait pas trop quoi faire. Bon, il part, il va à l'aventure, comme moi je l'ai fait à son âge. Il revient, il a une maison. Donc, soudainement, un désir de prendre à rebours, là, si on veut, la désertification lente des campagnes de l'Amérique du Nord pour en faire un projet positif, positiviste même, mais ça marche pas, justement, parce qu'il y a son problème d'alcool, de cocaïnomanie, sa schizophrénie hein, aussi qui se développe. Hein, c'est souvent au passage de l'âge adulte que ça se passe et ça se développe chez lui. C'est plus traité, déjà été enfermé. C'est pas des punchs évidemment que je te dévoile. Mm-hmm. Là, ça arrive assez rapidement dans le roman. Mais il laisse tout ça à eux-mêmes. Il laisse ces choses-là à elles-mêmes, finalement, excuse-moi. Un peu comme des terres en friche, donc finalement, des terres laissées à l'abandon qui repousseraient d'elles-mêmes un peu n'importe comment, avec le peuplier baumier, cet arbre que je mets au centre du récit, qui pousse, justement, qui envahit tout ce qui est laissé à l'abandon, qui est la métaphore principale de mon livre, à mon avis. L'idée d'une essence d'arbre qui prend la place, qu'on appelle espèce colonisatrice, d'ailleurs, le peuplier, mais qui en fait peu de valeur, d'une certaine manière, et qui est assez laid même, c'est un arbre assez laid même. Donc le peuplier baumier, à mon avis, représente tout cet imaginaire-là de l'abandon, puis de cette organicité qui repousse par elle-même un peu n'importe comment pour recouvrir les traces de la civilisation passée. Au niveau de la schizophrénie, est-ce que tu t'es informé auprès de psychiatres pour comprendre comment ça fonctionne? Dans le fond, c'est quoi? Est-ce que tu as la recherche que tu as fait par rapport à ça? Au fond, tu veux savoir si c'est moi qui suis schizophrène, c'est ça? Non, pas nécessairement. Si tu veux en parler, on peut en parler, mais c'est plus le fait de... Parce que quand on aborde des sujets comme ça, c'est quand même assez difficile. Donc, c'est une question que je me pose comme ça. Est-ce que tu as fait une certaine recherche pour y aller avec une justesse dans le propos? Oui, disons que c'est plutôt la schizophrénie qui est venue à moi. C'est des gens proches de moi qui ont des problèmes de santé mentale. Pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien de qui je parle, mais j'ai eu à vivre très très proche de la schizophrénie au Saguenay, justement. Donc les séquences liées à la schizophrénie sont tirées d'histoires vraies, là, carrément. J'avais pas envie d'inventer ça parce que ça doit pas être pris à la légère, la schizophrénie. Ça touche quand même 1% de la population, puis c'est une maladie assez grave quand même, qui peut causer beaucoup de problèmes, surtout lorsqu'on est seul dans une maison hantée, si elle n'est pas complètement hantée, en tout cas. Donc c'est ça, c'est pas vraiment des recherches, plutôt que des expériences vécues de façon secondaire, si on veut. Ouais, je suis d'accord, c'est ça, faut pas prendre ça à la légère. Puis moi, c'est pas quelque chose que je connais vraiment beaucoup, mais ça m'a semblé assez juste quand même quand que je faisais la lecture. Ça m'a pas semblé cliché, justement, tu sais, parce que des fois on a l'impression que c'est comme OK, y a-tu vraiment une recherche qui a été faite, puis ça, puis j'avais vraiment l'impression que c'était juste, mais qu'est-ce que j'en sais, dans le fond, pas vraiment grand-chose là. Ouais, effectivement. C'est pas quelque chose que je connais vraiment. Donc, à part ça, moi, je suis tout le curieuse de savoir, un auteur, comment ça fonctionne. Donc, je sais pas, je suis curieuse de savoir ta routine. T'as-tu une routine d'écriture? Tantôt, tu disais que ça a duré 5 ans. Comment ça se passe, ce processus-là d'écriture, finalement, les coulisses, là? C'est ça qu'on aime savoir souvent, c'est comment ça fonctionne, parce que c'est assez mystérieux, un auteur, pour le commun des mortels. Il y a certaines personnes qui pensent qu'à m'amener, ta main est comme quasiment possédée, puis que tu mets écrit, puis ça se fait tout seul, ce qui est impossible, ou à peu près. Mais sinon, comment ça se passe concrètement? C'est quoi ton processus à toi d'écriture? Oui, c'est une question que j'aime beaucoup parce que je pense qu'à chaque fois que j'y réponds, c'est différent. Ça dépend d'un livre à l'autre. Je ne vais pas parler comme un vieil écrivain, mais bon, je viens de terminer un deuxième manuscrit, une deuxième version presque potable d'un deuxième roman. Puis, excuse-moi, ça s'est passé complètement différemment qu'avec le premier, au fond. Borealium Tremens a pris 5 ans parce que, d'abord, je l'écrivais dans un cahier, dans un carnet qu'on m'avait offert à un anniversaire. Puis c'était des notes éparpillées, c'était vraiment tout croche. C'était pas en ordre chronologique, c'était juste des paragraphes parfois, des passages descriptifs. Mais à mon avis, ça fait peut-être les passages les plus forts, les moments vraiment d'observation de la nature, de l'abandon justement, du peuplier baumier, de la faune, de la flore. Mais parallèlement à ça, Il y a eu une écriture plus linéaire, donc j'ai commencé à prendre mon ordinateur à un moment donné, en 2013 probablement, à recueillir mes notes, à les remettre sur papier, à acheter des chapitres, à acheter des paragraphes. Ça a fini par faire un tout qui m'a semblé tout le long. Hein, tout le long, ça m'a semblé un peu hétéroclite, ce livre-là, comme un fourre-tout de plusieurs genres littéraires, de plusieurs histoires, de plusieurs époques même. Puis j'ai décidé, plutôt que d'essayer de rendre ça vraiment, vraiment linéaire constamment, d'en faire quelque chose de formel, finalement, c'est-à-dire d'aller dans le présent, dans le passé, dans le futur, dans le futur très lointain, même à la fin, tu verras. Je me suis beaucoup amusé à faire ça. Donc, c'est ça. Après ça, avec l'ordinateur, bien, il a fallu que je m'assoie devant mon ordinateur là, le matin avec beaucoup de café. C'est okay, là donc, c'est le matin que tu es efficace. Oui, oui. Okay. Mon biorhythme, c'est le matin. C'est vraiment là que ça va le mieux. Puis l'après-midi, ben je fais autre chose souvent. Là, je peux faire du lavage, je peux faire de la course, de la marche, n'importe quoi, machin, les idées. Je continue à réfléchir. Puis le soir, ben c'est souvent la lecture. Disons une journée typique, idéale même. Ce serait ça, finir avec la lecture pour continuer de m'abreuver puis d'être inspiré par d'autres. Oui, parce que les auteurs, ça lit, hein, forcément. C'est quand même assez... Il y en a des auteurs qui lisent pas, mais c'est quand même assez peu commun. Souvent, les auteurs aiment ça, justement, de se nourrir des autres puis être inspiré, finalement, qu'est-ce qui se passe. Des fois, on a des idées là où on ne s'attend pas du tout, finalement. Donc, on a une petite idée qui passe par-ci, par-là. Que, ouais, c'est intéressant de savoir ça. Donc, le matin, avec du café... oui, exactement, c'est ça. Ton deuxième manuscrit, ça parle de quoi? Ah, ben est-ce que tu peux nous en parler? Genre, mais pas des gros punchs, mais tu sais, juste pour donner une petite envie de suivre ça. Il y a un personnage qui... excuse-moi, qui meurt dans le premier, qui revient à la vie dans le deuxième. Oh. Je ne dirais pas lequel, parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui meurent. Donc une mort qui était voulue comme telle dans le premier roman, mais qui, à force d'imagination, est devenue une tentative d'assassinat, une tentative de meurtre raté, finalement. Et puis, un personnage revient, c'est ça. Et on se déplace en 2022-2023. Donc, un roman d'anticipation, régionaliste, basé au Saguenay davantage qu'au Lac-Saint-Jean cette fois-ci. Donc, c'est ça, je voudrais pas en dire plus. C'est comme une suite, dans un sens. Je dirais plutôt que, pour prendre la terminologie geek ou anglophone, ce serait un spin-off. Okay, donc, ouais. Un personnage qui revient, un peu comme Logan est un spin-off des X-Men, par exemple. C'est-à-dire qu'on prend un personnage, puis on focus sur lui. Sa propre série, finalement. Exactement, c'est ça. Ok, ouais. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ah, c'est intéressant, ça, puis... Peut-être de même, tu vises quand est-ce que ça pourrait sortir. Ah, mon éditrice ne veut pas que je publie avant 2019. Elle veut que je laisse vivre Borealum Tremens. Ah, c'est une bonne idée. Quand même qu'il est sorti à la fin septembre, je crois. Oui, 27 c'est ça, septembre. 28 août, ouais. Je crois. 28 c'est août? Ça. Moi, ouais. Ah, 29 août. Ah, c'est ça, je n'étais plus sûre. Là. une chance que j'ai des notes devant moi quand même. Donc, ouais, c'est vraiment super intéressant de connaître un peu plus les coulisses. Dans le fond, nous, on ne se connaît pas vraiment. Hein. On s'est rencontrés au Salon du Livre de Montréal. Cet automne, donc en novembre, on s'est rencontrés. J'ai commencé à lire ton roman. Je ne l'ai pas tout à fait terminé encore, malheureusement, mais il m'en reste quelques pages. Il m'en reste quelques pages, mais c'est pas signe que c'est pas bon ou peu importe. C'est signe d'autre chose, en fait. Mais oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis j'aime beaucoup le rythme aussi parce que les chapitres sont courts. C'est des chapitres. Dans le fond, le titre est tout à fait assez explicite quand même sur le chapitre, puis ça dure peut-être 3-4 pages. Je ne sais pas si ça change un peu plus loin, mais moi, il me reste plus tant de pages que ça. C'est que j'imagine que c'est une constante. Là. Ça, c'est un rythme que tu aimes beaucoup dans ton écriture? Dans ce roman-là, oui. J'ai fait des chapitres, disons, de taille moyenne. C'est pas des longs chapitres comme dans un roman historique, par exemple. C'est pas des courts chapitres non plus comme dans certains thrillers. Mais donc ça varie, c'est ça, comme tu le dis, en 2 et 10 pages, là, disons 5, ce serait la moyenne environ, ça a du sens. Puis dans le deuxième, j'ai voulu faire plus court encore. Dans le deuxième, je sais pas si ça va fonctionner, là, mais j'essaie de faire un page-turner, vraiment un thriller qu'on peut pas lâcher, j'essaie, on va voir ce que ça va donner. Mon éditrice l'a pas encore lu, je sais même pas si je vais publier au même endroit. Là. C'est beaucoup oui, de mystère. Parce que là, pour l'instant, c'est à La Peuplade, qui est une maison d'édition de Chicoutimi. C'est quand même, on reste quand même dans la thématique aussi régionale. La Peuplade, c'est un des deux seuls éditeurs que je vais dire tout le temps, tu te trompes pas. Ça, puis Alto, là, je trouve tout le temps que c'est deux éditeurs que je recommande souvent. Puis sérieusement, j'ai aucune part dans ces deux entreprises-là. Mais vraiment pas. Mais à toutes les fois qu'on me dit « Ah, Julie, je sais pas trop quoi. Puis qu'est-ce que t'en penses? » Je dis « Je l'ai pas lu encore, mais il me semble que tu te trompes pas. » Tu sais, tu peux pas vraiment te tromper avec La Peuplade ou avec Alto. Donc, c'est sûr que... Moi, quand on m'a parlé de ton livre, je me suis dit « Ah, ben oui, un livre de La Peuplade, on va quand même... on va y jeter un œil. » C'est toujours intéressant, là. Fait que tu sais pas encore qu'est-ce que ça va être, dans le fond. Parce que c'est sûr que t'es encore aussi au début, si tu dis que c'est une deuxième version qui est potable, mais t'es peut-être pas encore prêt non plus à le faire lire, là. Oui, c'est ça, c'est mon projet de mémoire. En fait, je suis en recherche-création à l'UQAM en ce moment. Puis là, je fais mon premier dépôt de maîtrise. Puis de toute façon, tant que c'est pas déposé, finalement, je peux pas le publier. Donc, j'ai une attache envers mon université. Puis, donc, c'est une version de mémoire. C'est-à-dire que j'ai dû faire ce cours en peu de temps pour l'exigence du travail, mais je vais pouvoir le retravailler, l'allonger par la suite, ajouter des paragraphes. J'ai plein d'idées déjà là, pour l'améliorer. Donc, avec plein de café, finalement, ça va oui. donner quelque chose de vraiment chouette. Exact. Mathieu, je te propose qu'on aille en publicité puis qu'on continue notre discussion après les pubs.